Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Je profite de l'absence de l'émission d'auparavant, je veux dire From Jazz to Jazz, qui reviendra sûrement la semaine prochaine en l'espérant. Donc je profite de leur absence pour entamer donc cette session nouvelle de Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Sur votre gauche, un éléphant rose. Sur votre droite, une merde atrophiée. Nous observiserons jusqu'à n'en plus pouvoir demeurer, que je veux dire. Pas encore 21h, donc je suis en avance. Nous sommes en avance ici, toujours sur notre temps futuriste, donc dans l'âme. Blabla. Enfin presque. Thank you. qui est sûr, c'est que l'on peut vivre avec ces troubles. Le seul problème, c'est que ça fout la merde et que c'est vraiment à chier. J'ai compris, il est 21h, le début de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Vive la vie, vive la mort, vive nous, nous sommes vraiment les plus laids. Vous avez eu l'épargnement du blabla pendant environ 4 minutes, grâce à Dieu. Gloire et grâce. Grâce, I mean. Glory and grâce. Ces temps reculés et anciens, le 21e siècle, les êtres humains étaient pourvus d'innocence, peut-être, on peut l'apercevoir, néanmoins, la possibilité est toujours là que la théorie se vérifie, peut-être en retournant donc 5000 ans en arrière pour voir donc ces êtres humains susdits et leur innocence. Si vous acceptez le projet, messieurs de l'Assemblée des non-humains, eh bien nous observons peut-être. La grandeur de la race humaine dans toute sa splendeur, je veux dire. Nous vous rappelons que ceci n'est pas seulement un projet humaniste, mais aussi une passion donc pour la tergiversation, déblatération incandescente. Votre argent, nous en avons besoin pour financer donc notre voyage dans le temps et l'espace. Subrepticement, je m'éclipse pour vous proposer un thé aux agrumes et au GHB. Messieurs et mesdames du jury, je vous offre donc un thé au GHB. Sachez en profiter, signez le papier avant d'oublier peut-être. De l'avoir signé, je veux dire. La déroutante débilité, donc justement celle que l'on étudie dans cette émission, l'incohérence est reine et maîtresse de tout et de tous. Ne te fie pas, donc, comme disait ma grand-mère sur son vélo atrophié, ne te fie pas aux manches à balai. Ce qui est bien plus important, c'est la fiente d'anus dorée. Mon petit-fils à moi, je t'aime, qu'elle me disait en m'embrassant avec toutes ses dents pourries et qu'elle puait de la gueule et que j'en avais rien à foutre. Justement, le foutre. Parlons-en, le foutre. Ça crève l'écran, le foutre. On va tous nous faire foutre donc dans le bruit incohérent d'une cassable vérité. Comme toutes les vérités d'ailleurs. Qui sont donc cassables. Le mensonge lui résiste à tout. Notre gouvernement l'a bien compris. Nos gouvernements, pardon, l'ont bien compris. Le mensonge dit rien et tout à la fois. C'est pour ça, sa force est là. Oh oui, mentons donc à tous et à toutes. Pour se faire un peu de blé sur le dos des pauvres. Des pauvres, je veux dire, cons comme nous. Enfin, comme vous, je veux dire. Nous en étions donc à nous faire du blé pour faire un voyage subrepticement dans l'anus fianté d'une atrophie mentale, peut-être. Mais peut-être pas. Et tantôt, Suzy ou Sou, disons donc que la flatulence est de mise, père, en patricide ou en fratricide, devrais-je dire anthropocide, peut-être. À ne pas confondre avec une piscine. Donc. Ni un pissou. Vous ne l'aurez toujours pas compris, c'est le but. Absolument ne rien comprendre à cette énervante subtilité. La crudité est le maître mot, donc. Mangeons-nous les uns les autres, tout cru. On va bien rigoler. On va bien se marrer même. Quoique, bitch à de cul après tout. Subrepticement. Doucement. Dans l'anus fianté. Il n'y a malheureusement aucun problème avec votre poste. C'est bien l'émission Nuisance. Elle évoluera jusqu'au sens. Le son est parfait. Robert, le son est nickel, chrome. Ne touche absolument pas au bouton. N'intervient absolument pas. Ceci n'est pas un truc interactif, genre tu te poses devant et tu te branles en cliquant sur un bout de souris. Mort. Teux, pardon. Justement, parlons-en. Chaque chose en son temps. Ceci étant donc un épiphénomène futuriste, nous ne sommes donc pas capables à l'heure actuelle d'apprécier la musique de l'avenir, du futur, le bruit de la subversion intransigeante. Devrais-je dire le bruit intransigeant de la subversion. Sabotage, s'il en est un. Sabotage mental. Ne l'oublions pas. Surtout pas. Nous allons tous mourir. Sur le beat. Oh oui bébé, bouge ton corps sur le beat. Bouge tes hanches de droite à gauche, bébé. Bouge ton corps sur le beat. Ton cadavre, je veux dire. Oh oui bébé, bébé. Ton cadavre, bouge-le sur le beat. Boum. Boum. Boum. Boum. Boum. Boum. C'est magnifique, qu'est-ce qu'on peut se marrer ici. Je veux dire, en ce monde, quoi. Oh, oh, fifi. Hé, fifi. Ha. Donc vite avant que je n'explose dans une incandescence mystique pour me permettre une remarque ou deux. D'abord, éloignez vos enfants du poste, la crudité de cette émission. Également, puisque les enfants sont éloignés du poste, allons tous nous faire enculer les uns les autres, parce que nous méritons tous. Donc mes frères et sœurs humains, révoltons-nous contre nous-mêmes, suicidons-nous en collectif, ou plutôt suicidons-nous les uns les autres. Oui, plutôt oui, suicidons-nous les uns les autres, c'est bien plus marrant comme ça. Je te suicide, tu me suicides. Par la petite quéquette, le premier qui rira aura une branlette. Comme je disais, les enfants n'ont pas à attendre des choses pareilles. Heureusement, ils sont couchés. J'en suis bien heureux ainsi. Je n'aurais pas à m'expliquer aux parents le sens du mot branlette, ni merde, ou allons me faire enculer, ou suicide peut-être. Par contre, anthropocide, un nouveau mot donc, qui vient d'inventer dans le futur, être inventé. Pardon, j'ai toussé dans le micro, c'est vraiment dégueulasse. Si vous ne le savez pas, je vous l'annonce donc, demain soir il y aura un concert, notamment avec Inca à Tarsis, qui est donc entre autres quoi, donc à Terre Blanque, voilà. Demain soir. Également, Vivaldi réinterprète les quatre saisons, ces quatre saisons depuis sa tombe. Fécale, donc toute l'année ou toute la vie que vous aurez peut-être jusqu'à en crever, je veux dire. Et justement, puisque nous parlons de passion pour le sonore, le sonic, nikonik, eh bien ce son, j'espère, ne vous niquera pas trop les oreilles. Bouge ton corps sur le beat, bébé, bébé, oui, bouge ton corps sur le beat. Bébé. Comme d'habitude, la Terre tourne en rond devant ses rondeurs atrophiées par la pollution et la nomenclature humanisante. Humanisons la Terre. Elle sera ainsi nôtre. À nous, quoi. Radio spéciale non dédicace, vous n'aurez donc pas de dédicace ce soir. Et ceci, je vous le dédicace. Ça y est, ça se calme, nous allons pouvoir entamer une discussion sur le sens de la philo-théozoologie. Nous en étions donc la semaine dernière à Dieu a-t-il inventé la poudre ou le canon? Ou la poule peut-être? Le poulpe. En parlant de poudre, l'escampette est inévitablement impossible. Mondialisation incluse. Vous voyez à présent sur votre droite un Carrefour Market, tout ce qu'il y a de plus de marketing et, je veux dire, marketé, comme la marqueterie. Marquez donc de ce pas un jour fameux, celui d'une branlante odoriférante, pestilentielle et inatrophiante, je dois dire, ciboulette. La gaieté et la joie donc sont le bonheur primeur de l'abord de la Garonne, toujours boueuse, donc jusqu'à demain. On nous indique donc 5 cm de boue, en plus ou moins, de la boue déjà présente sur le lieu, donc le site. Le chômage se durcit, peut-être l'emploi lâchera-t-il un peu de lest. Activité, ou plutôt l'inactivité, donc à la française, vive la... je le dirai pas. Donc vive cette chose qui nous inactive quoi, au plus haut point, puisque mondialisation, globalisation, crise incluse, nous ne pouvons pas soumettre à nos tentatives erronées de décaper les tendances inatrophiantes. Voilà. Des parasites dans le micro, peut-être. Monter le volume, peut-être. Des parasites, je veux dire. Ah, ce ne sont pas des parasites, ce sont des oiseaux, donc excusez mon peu de langage naturaliste. Ce n'étaient pas des êtres humains, c'est donc des animaux, tout ce qu'il y a de plus sauvage, j'espère. Sauvages, donc toujours en liberté, jusqu'au jour où nous les récupérons pour les mettre en cage, donc nous les humains. Oh oui, liberté, égalité, puissement l'arrêt, du cul, fraternité, pardon. Nous en sommes à crever donc l'abcès. Je vous rappelle que sur votre poste télévisuel ce soir. Voilà, donc ne ratez surtout pas également jusqu'à 23h, qui ne finira pas donc à 23h comme prévu, mais plutôt de la gorge. Monsieur donc Desgeorges, donc en enculé, je veux dire, monsieur, pardon, comment ai-je dit, monsieur. Défoisonnement, pardon. Monsieur Défoisonnement donc a prédit donc que mademoiselle madame pardon sur un tas de gravier. Ça s'est écrasé donc vers les 2-3 heures du. Peut-être pas finalement. Comme l'a dit le monsieur le. Fin de citation. En début de matinée, vous aurez l'occasion d'entendre des oiseaux crier. Au rage, au désespoir, aux ennemis. Et puis, tout en arborant un fief et intransigeant et toujours démentiel con, l'on ne pourra pas éviter le sujet de voir donc l'anus doré atrophié, comme la limace dorée au four, je veux dire couler. Oh oui, couler, le sang, pourcent, bof, 100% bof. Le confort et les bonnes pompes font de mise une paire de sandales, donc qui ne seront pas portées cette année, sauf par les vanupiers. Les gueuses et les gueuses, toujours à manger, donc plutôt une bonne récolte cette année. L'on doit mésestimer par contre la taille des rondeurs. Mais ce n'est pas grave, l'année prochaine sera peut-être une année faste, ou peut-être pas finalement. En tout cas, pour ce qu'il y a de néfaste, donc nuisance est là, nuisance est toujours là, donc néfaste. née fast. So I'm gonna speak in English so the fast horror culture of you don't understand anything, I don't even have to articulate the words. You don't get shit in what I'm saying, you are French, you don't understand anything, you are dumb and stupid. Donc je traduis la France est le pays des grands et des obtus penseurs qui tout le temps sans partouze ne permettent pas donc la nomenclature, sauf peut-être en administration pénitentiaire. Nous allons donc vous mettre en boîte de haricots rouges ou peut-être de choux de Bruxelles. Vous avez le choix, oui vous êtes libre, vous êtes des êtres libres. Préférez les lentilles saucisses peut-être ou le cassoulet froid. Eh bien vous n'aurez aucune de ces choses car le choix est déjà fait. Oui, vous avez le résultat du choix, donc vous avez le choix même, que le choix il est là, vous l'avez, vous avez fait le choix de naître. Et vous ferez le choix de ne pas mourir et de travailler jusqu'à la fin de votre vie. Nous vous remercions donc de cette participation forfaitaire. Votre corps nous appartient. Travaillez bien pour le bien-être et la fécondité de la société pyramidale tout en haut, je veux dire, de cette société pyramidale. Nous sommes les riches, nous vous aimons tous. Et surtout, taisez-vous. Faites trop de bruit. Oui, vous. Non, ah, on vous a appris à parler, je suis désolé, c'était pour vous apprendre à obéir aux ordres. Donc les ordres du maître, ou de la maîtresse peut-être. En tout cas, obéissez, il en va de votre sûreté, oui, de votre sûreté. Je vous nationalement, Ziz, comme petit ou énorme. Qu'importe finalement, c'est surtout important à qui l'on ou quoi que l'on serve, je veux dire. Donc du cassoulet froid ou peut-être une salade de gésier à la mâche, rabitraboisée par une égalisation peut-être des cheveux qui sont un peu trop longs peut-être. Oui. Nous ne voulons pas de chevelus dans ce métier, nous voulons des gens bien, des gens bons. Et donc, si vous comptez flatuler ce soir, faites-le discrètement, ne le faites pas à l'antenne de Canal Sud 90.2 FM ou Canal Sud.net. Je vous rappelle que ce n'est pas le lieu pour flatuler ou éructer. Ah, ça, non. Surtout pas de 21h à 23h les vendredis pendant l'émission Nuisance, qui nuit au sens, donc émission brutiste par excellence. Oui, excellence, ça rime avec nuisance. C'est pour ça que je l'ai dit ce soir, sinon, ce n'est pas trop l'excellence que vous allez trouver sur cette émission ou dans ce contexte-là. Mais plutôt la merde, donc la pourriture et toujours cette débilité donc, qui nous caractérise, nous et tous nos collaborateurs, je veux dire, ici même, présents. Donc salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, ça va. Voilà, nous y sommes. Les collaborateurs se sont donc exprimés, ils ferment leur gueule maintenant. Nous sommes vraiment phénomène, Al. Mais Al n'en a absolument rien à foutre de votre phénomène. Al, n'oubliez pas, donc vous encule à sec avec du gravier. Oh mince, il n'est pas encore 10h. Je vais réserver ma crudité pour de cruels auteurs ou autrices ou autistes comme moi. Comme nous. Comme vous, quoi. Nous sommes à la cruauté, donc impériale. Le secret n'est pas le thème de cette émission. Vous n'en aurez aucun divulgué pour vous ce soir. Il n'y a pas d'exclusivité dans cette émission. Il n'y a rien d'intéressant. À l'image d'une existence de pauvre. Con, je veux dire. Surtout, ne nous ennuyons pas au travail. Et bien à la maison. Et je fait remarquer à vous, donc, chers auditeurs et auditrices qui suivent, je suis avec une attention phénoménale, donc, cette émission, donc, suis-je dite. Et sous-dite. Visance, donc, n'a pas oublié la valeur de la santé, du bien-être, du bonheur, du bon esprit, du positivisme, de l'optimisme, bref, du devoir humain. L'optimisme, comme la joie et le bonheur, sont un devoir, oui, un devoir. Vous devrez être heureux, vous devrez être joyeux, vous devrez être optimiste, et vous devez absolument être positiviste, productiviste et mise-en-boîtiste. Cette tension donc nerveuse, les dents crissent sous la lampe UV de mon miroir. Je bronze du ventre, mon gros popotin est lui également bronzé comme les mon médus que je vous tends en toute défaveur. Vous tous et toutes, frères et sœurs, attendez avec nous vos médius en direction du ciel pyramidal. À l'image du bonheur humain, nous sommes ainsi heureux de servir la patrie et l'institution dorée à leur fin. Si finement doré qu'il ne reste plus d'or pour les caisses, mais bien plutôt pour les dorures morues salées que vous allez manger tout l'été, car il n'y aura plus de thon rouge, ni de petits salés, ni de salade sans bactéries microbiennes. Non, il n'y en aura pas. Car toutes les espèces de salades sont mortes. Paix, croûte à leur âme. Secondement, en 24-10, le coureur donc a permis les mouches de dorer donc toujours le four à B2C jusqu'à détravilir Jursle Merfier et le Schlor Manesche Kono Fetichum Lerpe. Poutché donc le fils de Marlos et Poutché aussi le père. Poutché, jusque ne plus avoir de goulag à part dans vos têtes, et restez-y. Vous aurez donc compris la souffrance d'être ainsi nomenclaturé humain, perçu par certains ou certaines peut-être personnes que je ne qualifierais pas justement. Personne donc souffre d'être dans un état lamentablement con, d'être vivant à deux pattes et à gros cerveau avec un petit pouce, qu'il est pas mal placé pour servir. Servons comme le pouce à tout et surtout au gros cerveau que l'on a tout en haut. Car tout en haut, oui, c'est bien la chaîne alimentaire qui nous bouffe. Ne n'oublions pas Darwin. Élémentaire, mon cher Higgins, vous avez raté l'épisode. Pour vous rappeler donc la suite de l'histoire, je vais vous écrire un texte en live. Je vous dois absolument encore tout, même la vie. Je vous encule. Point. Cordialement, courtoisement vôtre. Al, sans merde, à vous dire continuellement, émission après émission, que vous n'êtes que de la merde et que nous allons tous crever. Ne l'oubliez pas. Alors peut-être que ça ira à la poterne. Oui, peut-être. Mais à mon avis, en France, les pantouflards règnent, ce sera plutôt non. Donc, quitte à choisir entre le bruit et le son, je les encule tous. Je sais, ce manque de patience, l'impatience me caractérise également, nous caractérise dans l'émission Nuisance, tous les vices de forme et les viciosités visqueuses sont de mise dans cette émission. Je vous l'accorde. Bravo. Vous êtes très perceptifs, vous êtes des gens formidables, plus vite, plus fort, changez de main, oh oui. Maintenant que ceci et cela sont dits, dîner, bande de tarés, en compagnie de canards morts, et de salades enchaînées. Récoltons donc ce que nous avons semé, la radioactivité incluse, dans les escargots ou les grenouilles à la française, pour rester plus proche de chez nous, des nuggets, du Mac, Mock, Muc, Mic, Mec. Alors prends le métro en pensant toujours à dorer la morure salée, dorure salée, morure, vous allez tous crever. En pensant donc à l'autre, toujours en lui crevant l'abcès ou les yeux, plutôt comme Oedipe s'est crevé les yeux lui-même. Mais nous sommes des jeunes maintenant, des jeunes cons et des vieux pervers. Et donc nous allons crever les yeux aux autres, ceux qui ne le méritent pas, pour rigoler. Puisque nous en sommes à rire, Michel Leeb présente son spectacle en ce moment même, peut-être, à Toulouse. Je ne vous invite pas à son spectacle, nous n'avons pas de place gratuite, n'appelez donc pas Canal Sud. Nous n'avons aucune place pour le spectacle de Michel Leeb, je suis désolé. Elle coûte à peu près 70-140 euros, jusqu'à 380 au premier rang. Vous pourrez être postillonné dessus par Michel Leeb, le grand, le plus fort, beau de tous les Michel Leeb. Je n'en doute pas. Il y aura également du Charles Aznavour, présenté en région Midi-Pyrénées, donc un revival. Et toujours la fraissance extérieure qui nous atrophie donc le ciboulot, je parle de celle-ci. Extériorisation donc de l'ensemble sur une mélancolie que, mythe château cul. Vous pouvez vous demander ce que nous avons à dire dans cette émission, eh bien... Par exemple, nous vous enculons à sec. Ceci n'a pas changé cela, je le sais. Nous n'avons pas inventé le fromage pourri des Français. Allons parlons des vers de terre français. Oui, ils sont blancs, ils puent, car ils se lavent avec de l'eau de Javel. Également, leurs frères et sœurs africains, donc eux sont et elles sont en train de mourir. Les Français sont heureux, tout va bien. Également, l'Asie donc est polluée par une radioactivité latente, tout va bien en France. Je vous rappelle que Monsieur Dupont est en train de planter ses carottes en ce moment même. Regardez, c'est magnifique. En France. La France donc avec sa patrie et son nationalisme à outrance va faire des rejetons dans toute la fratrie. Visons le CID, je veux dire Orage. Orage, orage. Aux hargnes, aux haines, aux phobies, aux humus, rectal, aux falafel. Je n'ai pas trouvé de mot qui rime en humus rectal. Je chercherai la prochaine fois et je vous amènerai une rime. Bien de chez nous, bien de la France, notre patrie. Cette fratrie, si belle en doute. Je me suis trahi, nous sommes trahis, oui. Nous doutons de la beauté. L'esthétique est donc une valeur subjective, arbitraire. Nous avons donc choisi dans cette émission de représenter la laideur. Tous les gens laids qui souffrent sont donc représentés ici, sous forme de bruit. Blanc, noir, beurre, jaune, bleu, vert, rouge, les cadavres. Zélé Mornay, mon cher Higgins. Eh bien oui. Zélon, les Mornay. Mourons nos nez. Mourons nos culs. Mourons nos pieds. Et surtout rimons en « et » car « et » la rime la plus importante en France. Le français est vraiment une belle langue « et ». Vous voyez. Ou c'est pas comme l'anglais. Ou le japonais. Ou « j'ai un gros nez ». Va te faire enculer. Espèce de sale race. et va te faire, surtout et ensuite et tu vas et te détremper. Point. T'es ou tirer la bobinette Shera. Vous avez remarqué donc que cette atrophie mentale est donc présente, toujours omniprésente. En fluctuation. Il fera 26 degrés sur les terres australes dans environ 5 ans. Et n'oublions pas l'Océanie qui, elle, sera engloutie. Les animaux iront se réfugier dans des arches qu'on appelle jardins zoologiques. Oui, les arches de l'Alliance éternelle qui nous couvre entièrement d'humus rectal. Le mucus, quant à lui, est bien politique. Celui-là est détrempé, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense que la demeure est éternelle, surtout chez nous. Zig. Ensuite, faisons travailler les moins riches pour qu'ils ne s'enrichissent pas, mais qu'ils crèvent plus vite. Ainsi, ils n'auront pas à les enraciner pour qu'ils repoussent. Ou alors injecter des gènes de lézard pour que leur queue, leur bite, je veux dire, soit pourrie, quoi. Pour pas qu'ils se reproduisent. Il faut plutôt donc leur injecter des OGM pour qu'ils se mutent et qu'ils s'osmosent et qu'ils se tuent les uns les autres, mais pas nous, surtout pas. Donc en leur voulant leur QI pour qu'ils soient vraiment teubés, à part le nerf rachidien moteur, je veux dire, reptilien. Ils obéissent aux ordres. Obéissance, toujours civilité, formalité, formalisme. Formel, oui. Des formations, oh non. Aucunement. Aucunement de distorsion en cette émission, donc nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Je vous aime tellement. Oh oui, croyez-moi sur parole. Je vous adore tous et toutes. Nous sommes ensemble donc pour un certain temps. Comme le dirait le général de Gaulle, je veux dire, oh, quel beau nez qu'il avait. Rouge, je m'entends bien. Oui, tu peux monter le casque, s'il te plaît. Merci. Vas-y, mets-moi donc. Profond. Ensuite, tripote-moi l'anus avec les doigts. Tout en n'oubliant pas ma prostate, je suis un mâle. Si t'es femelle, tu n'aurais pas à pénétrer mon anus, tu pourrais pénétrer autre chose. Ma bouche, par exemple. En attendant, pénètre-moi de tout ton sens, ô Seigneur, roi de tous les humains. Monsieur le. Je t'aime. Je t'aime tellement que je voudrais être toi ou ton fils, peut-être. Oh oui. Je voudrais prendre ton chien par derrière en pensant aux nouilles, oh oui, à des pattes blanchies, au sel. Tout en démentant, le mec s'approcha de l'affoisonnement. Termine pas donc toujours la nomenclature sur une bite atrophiée. 3 de 1 à 0 du moins 1 à moins 3 moins 5, le moins 7 moins 10 moins 13 moins 16 moins 19 moins 22 moins 25 moins 31 moins 40. Le maître est de mise avec le fiefé scandaleux serpent. Notre cerveau reptilien ne nous sert donc à rien à part obéir, peut-être désobéir, je ne sais plus. On m'a atrophié le QI avec cette éducation, système éducatif, je veux dire nationaliste, français. Vive la France. Ne parlons pas de la guerre d'Algérie, s'il vous plaît, nous avons autre chose à dire, de bien plus important, sur Napoléon par exemple. Napoléon, c'est bien connu, est un fifé connard. Et une vraie raclure. Il puait du cul, ne se lamentant presque certainement jamais. Et se parfumer de Chanel numéro 5 avant l'heure. C'est donc de la causerie numéro 12 ou de la connerie numéro 13. Tout en pensant à Coco, je veux dire son ami la cocaïne, le morphinomane Napoléon sombra dans une démence folle. Il s'installa en Lozère où il put se cacher avec tous ses amis atrophiant du ciboulot, ou peut-être est-ce Paris ou le 16e, je ne sais quoi. En tout cas, c'est là-bas qu'il y est, son cadavre, je veux dire. Parlant de cadavres, mais regardez-vous, vous êtes ambulant ou quoi? je croyais que c'était une boulangerie. Non, non, c'est bien mon anus. Vas-y, fais-moi payer. Fais-moi payer cher, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci, oh merci, ta gueule. D'accord. La civilité obstruant la pensée n'a toujours pas perdu de son efficacité. Mort à la pensée. Humaine, je veux dire. Pensons comme des bêtes. Je veux du fric. Il faut donc que je tue pour avoir du fric. Je suis un être humain. Je ne dois pas l'oublier. Capable d'avoir du fric. Je suis humain, moi. Faut-nous les couilles les uns aux autres ? Les auberges, je veux dire. Les unes aux autres. C'était plein de lits. Ça sentait le cadavre. Ce n'est pas une image métaphorique. Ça sentait le cadavre. Et au milieu de tous ces malades, une jeune fille de 15 ans pendant que la bonne sœur était au vert. Lucien Bonafé. Ceci n'est pas possible autrement, je veux dire. Al. Non mais... Le monsieur le... Devrais-je dire les messieurs les... Peut-être. Donc je vous disais, une émission ultranationaliste, vive la France, ce pays de merde, qui pue du cul. Vive, vive. Vive la France. Oh oui, qu'elle vive longtemps, jusqu'à sa mort. D'ailleurs, le glaçonne, le glaçon, je ne sais pas, je n'ai pas vu de différence. Encore que, peut-être que bitch a de cul. Je veux dire. Nous n'avons donc toujours pas observé d'interventionnisme. De remarques déplacées. Le silence derrière mon dos est donc omniprésent. Mon Dieu. Oh non. Qu'ai-je dit ? I'd like to tell you a story about Goldilocks, but I don't know the beginning of the story, so I'll start by the end. Goldilocks was dead and she was happy ever after. That's nice. That's nice. That's very nice. And as she was dead forever after, she was so happy she was dead. She was Goldilocks. Boucle d'or, boucle d'or, boucle d'or. Cendrillon pour ses 15 ans, donc s'est fait violer par maman. Puis s'est fait prendre par le trou de balle, par l'armée. Ils lui ont attaché un cock ring à l'anus pour qu'elle soit prisée par tous ces marchands de glace. Glace à la fraise, glace au chocolat, ou si vous le souhaitez, vous pouvez tirer le cock ring anal de cette jeune demoiselle. Oh oui, papa, laisse-moi tirer son cock ring anal. D'accord, mon fils ou ma fille. Qu'importe, pourvu que ça blesse. Usance. Je ne vous sens pas réceptif au concept, messieurs, mesdames. Veuillez vous rendre réceptif, s'il vous plaît, immédiatement. Ou sinon, gare. Gare de Toulouse-Matabiau, ding-dong. Direct. Prison de Saint-Michel, dans les bas-fonds. C'est micrométrique comme c'est répété. Voilà, vous avez vu. C'était donc micrométrique comme vous en êtes bien aperçu. The bad. pas donc la possibilité peut-être de pénétrer outre l'action, je veux dire, en nous-mêmes, pour oublier. Nous n'avons donc pas besoin de drogue pour cela, ni de raisonnement logique. Une fois que nous sommes en nous-mêmes, tapons une crise schizophrène, en nous disant que nous sommes donc poursuivis par des ombres. Nos ombres, les ombres de nos corps, dessinées par terre, sur les murs, au ciel, partout, quoi. C'est involontaire, c'est plutôt incontrôlable. Ce qui nuit à l'expression self-control. Oublions de communiquer les risques. Il y a toujours cette possibilité que les gens comprennent d'eux-mêmes. Allez, allez, prenons le risque. Ne leur disons absolument rien. Ils comprendront peut-être eux-mêmes. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Une fois dans l'émission Canal Sudienne Nuisance, l'occasion d'entendre peu de choses. Suffisamment. En train de fumer une cigarette. Ah ça non. En nuisance, nous ne pensons pas, non. Vous avez entendu en fond la chanson Bébé je t'aime. Vous l'entendez toujours donc. La chanson Bébé je t'aime. Je t'aime tellement, oh bébé. Donc oui, c'est toujours la chanson de Bébé je t'aime, bébé, oh que je t'aime. Adieu vos vaches cochons gras de lait. Bonjour l'amour, le vrai. Oh bébé. Ouais, bébé, je t'aime. Tellement. Bébé. Donc le blues en ré, la fameuse variante de Gigi Stevie Ray, quoi, sa trille. Toujours donc sur le thème de « oh bébé, je t'aime ». Nous allons pouvoir entendre un peu de pornographie peut-être. Homosexuel pour tous ces homophobes, spécial dédicace, qui est interdit sur Canal Sud, mais je le fais quand même. Spécial dédicace à tous ces homophobes. Nous allons peut-être entendre de la pornographie masculine. Voilà, donc au ralenti, 84%. Pornographie masculine, donc vous reconnaîtrez bien les sons. Relatif, donc, inhérent, intrinsèque à cette pratique amoureuse. Comme les miels et les abeilles, vous voyez, les abeilles et le miel copulent. Oh bébé, bébé, je t'aime. T'as vu, on peut se faire check platine en pause, c'est génial. Même en pause, on peut se scratcher avec la platine de suite, je veux dire. T'as vu quoi? Oh merde, c'est pas la pédale, je perds la pédale. C'est oh merde. Oh chier, c'est mort. Nous sommes sur le point de faire une découverte atroce. La poubelle du voisin est dans le jardin. Mon Dieu, c'est horrible. Que c'est dégoûtant. Cette vie, c'est de la merde. J'ai envie de crever. Je vais tuer le voisin d'un coup de pelle. Oui, chérie, t'es d'accord avec moi? Mais elle ne m'a pas entendu. Que se mastil paltmastique passe-t-il dans ma tête? Pastille, Schweppes, anal, toujours. Nuisance. Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance. Sûr. Bon, la paire est faite. Contemplons l'abstinence dans l'obstination de ne pas la pratiquer. L'abstinence, c'est mal. La béatitude, c'est mal. La tranquillité d'esprit, c'est mal. Le cœur, ça pue. Et donc, n'oubliez pas notre sponsor. Vous allez tous mourir. Nous obnubile toujours autant. Merci donc notre sponsor pour tous ces fiefés mensonges. Oh menteur. Haha. Que c'est marrant. Ça fait rire. Oui. Remercions l'animateur et sa trique. Quasi permanente. Mais rassurez-vous, atrophié. Du ciboulot. Remercions la participation active d'une présence. Incarnée. En une sonorité, donc. En une sonique expérience. Nique. Ni tête. Dans une émission qui vous embête. Car Nuisance, c'est l'émission de toutes les nuisances. Sonic, Nord. Et Cronenbourg. Nous vous remercions de votre attention, ou pas. De votre attention, je veux dire. De votre non-attention, s'il vous plaît. Si non-abstinence ne rime pas avec danger, donc je vous rassure, hein, branlez-vous. Sur ce, l'émission a commencé tôt et finira tôt. Vous pourrez la suivre habituellement de 21h à 23h, quoique tantôt ou tantard. T'as la refin, qu'elle a qu'un, si je sais pas, allez, ciao.